standing in naked. I'm standing in naked. Hey, get out. I've got nothing left to give, and you give me nothing now. Read my mouth. If you ever want me back, then your walls need breaking down. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. I'm not gonna wait until you're done, pretending you don't need anyone. I'm standing in naked. I'm standing in naked. I'm not gonna try to you decide. You're ready to swallow all your pride. I'm standing. Wanna give you everything. Oh, wanna give you everything. Wanna give you everything. Oh, I'm not gonna wait until you're gone, cause you pretended you don't need anyone. Can't you see that I'm naked? I'm standing here. Ça se passe chez vous. Mardi 10 juillet, 10h02, passé de quelques secondes, soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur, c'est Antoine Kandra et Joëlicia et on vous rejoint comme chaque jour. Bonjour Kandra. Salut Antoine, salut à tous. Ça va bien aujourd'hui? Ça va, un peu fatigué hein. Ouais bah... C'est le matin encore. Faudrait que ça s'arrête hein, c'est le deuxième jour de la semaine, ça commence seulement, c'est pas fini. Ouais, ça commence tôt. Bon, ça va Joëlicia? Oui, ça va et toi? Toujours en forme? Eh bah oui, toujours en forme. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui Antoine? On aura plein de choses aujourd'hui, dans un instant il y aura les éphémérides, à 10h15 ce sera l'heure de l'horoscope avec Virginie, 10h30 ce sera l'heure de la chronique high-tech avec Joëlicia qui va nous parler de plein de choses aujourd'hui dans cette chronique high-tech. Oui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. 10h45 ce sera l'heure de la météo pour nous dire quel temps il fera, enfin les prévisions pour la journée d'aujourd'hui en 11h après, parce qu'on ne va pas rajouter des minutes dans l'heure, quoi. 1h ça fait 66 minutes c'est tout, 11h ce sera l'heure de Tati Karine pour le 10 qu'est-ce qu'on mange du jour, une recette en direct de la cuisine de The Radio Seigneur. 11h15 ce sera l'heure du programme télé de Michel de la rédac, et puis 11h30 ce sera les infos de Kandra. 11h45, on fera un petit point pour dire le match de ce soir, mais bon, ouais, voilà. C'est tout. Annoncer un peu la folie qui va arriver. On fera le travail de Michel de la rédac en double. Ouais. Donc voilà. Bon, ouais. Dans un instant, les éphémérides, vous bougez pas. Je l'ai coupé, ouais. Bon. Voilà, on donne des trucs, hein, c'est mardi. 10h04, dans un instant, les éphémérides, juste après Clean Bandit de Milavato, solo sur The Radio Seigneur. No more, no more, no more. I wanna fall. so long. Après le son de Clean Bandit et de Mille Lavatour Solo, ça se vient de se passer sur toi de 1h, 10h et 7 minutes. Ça se passe chez vous? Avec vous jusqu'à midi. Et oui, on est en ce mardi 10 juillet 2018. C'est l'heure des éphémérides avec aujourd'hui quelques anniversaires, pas beaucoup de gens connus, mais enfin quelques-uns qui sont malheureusement décédés. On commence par des gens en vie. Jessica Simpson qui fête ses 38 ans, l'actrice américaine. Bon anniversaire à elle, voilà. Il y a aussi le réalisateur français Jean-Marie Poiré qui est à l'origine de la catastrophe naturelle que fut le film Les Visiteurs 3. Il fête ses 73 ans. Sinon, au niveau des personnes décédées, on fait, c'était l'anniversaire de Marcel Proust, qui est mort à l'âge de 51 ans. Il était né un 10 juillet, puis Nikola Tesla était également né un 10 juillet. Il est mort à l'âge de 86 ans. Voilà, niveau fête, sinon il y a les fêtes, c'est les Ulrich aujourd'hui. Bonne fête à vous si vous appelez Ulrich, et puis n'oubliez pas de souhaiter la fête de ceux de vos amis qui s'appellent Ulrich. Voilà, puis aussi les Pasqueur, c'est le 191e jour de l'année. Il en reste 174 avant la fin de l'année, et c'est la 28e semaine, voilà. C'est tout pour les éphémérides, demain même heure, c'est les nouvelles éphémérides pour le 11 juillet. Bougez pas, et là on continue en musique avec le son de Dennis Lloyd, Nevermind qui arrive, avec plein de sons après. Dans un instant, il y aura l'horoscope de Virginie qui arrive. 10h et 9 minutes sur Zoar de Seineur que vous écoutez. Ça se passe chez vous du lundi au vendredi, 10h-12h avec Kendra et Jolicia qui sont avec moi en studio. Mais pour le moment, c'est Dennis Lloyd, Nevermind sur Zoar de Seineur, bienvenue. mind, never mind, never mind, never mind. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind. Beat the après le son de BTS avec Fake Love, 10h15. On va écouter le son de LSD, Saya, Diplo and Labulance avec Audio, et puis après ce sera l'horoscope de Virginie. Bienvenue sur Radio Scénar. So just when the world saying they got no hope, here comes the love. We got audio. We flying high, superhero. S on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star. We got audio. Après le son de LSD, Saya, Diplo and Labulance, ça s'appelle Audio, soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Et c'est l'heure à 10h19 de retrouver Virginie pour son horoscope. Excuse-moi pour le retard, Virginie. Bélier, si des tensions persistent entre vous et votre partenaire, prenez les devants et éclaircissez toutes les zones d'ombre. Taureau, vos amis ne vous oublient pas, bien au contraire. Vous croulez sous leurs invitations. Gémeaux, s'il y a de l'eau dans le gaz avec votre partenaire, ne vous mettez pas martel en tête, prenez de la distance. Cancer, la pratique de la relaxation vous fera le plus grand bien. Lion, soyez fou. Embarquez votre tendre moitié vers une destination romantique ou faites-lui une surprise dépaysante. Vierge, vous flottez sur un petit nuage, car votre couple bénéficie d'une embellie qui vous ravit au plus haut point. Balance, vous devrez faire face à un surcroît d'activité que vous pouvez tout à fait assumer. Vous avez le dynamisme et le tonus nécessaires. Scorpion, vous pouvez vous appuyer sur l'épaule réconfortante de votre partenaire qui saura vous prodiguer de bons conseils. Sagittaire, avis aux célibataires, une rencontre se profile à l'horizon. Le soleil brille sur votre vie sentimentale. Capricorne, si vous rencontrez des tensions au sein de votre famille, ne vous lamentez pas sans rien faire. Verseau, les invitations pleuvent, mais vous ressentez le besoin de vous ressourcer en tête à tête avec votre partenaire. Poisson, vous vous sentez bien dans votre peau, ce qui vous permet de vivre en toute sérénité votre romance. Merci Virginie, on te retrouve demain 10h15 toujours sur Radio Seineur pour un nouvel horoscope de la journée tout simplement. Vous bougez pas puisque dans 10 minutes maintenant ce sera l'heure de la chronique high-tech avec Joëlicia qui se prépare à aller chaud aujourd'hui. Joëlicia, juste après le son de Alok et Bruno Martini, Hear Me Now, c'est maintenant sur Radio Seineur. Soyez les bienvenus dans le sympa chez vous. If you get to hear me now, we turn it up, yeah, we turn it up. they point out the colors of you. I see them too, and boy, I like them. Juste après le son de Ariana Grande, c'est ce qui vient de se passer sur The Radio Center. Je viens de vous le caler, c'est un son de ma playlist No Tears Left to Cry. Et puis maintenant, c'est le son de Becky G, Mayores, sur The Radio Center. Ne bougez pas. Becky G, Becky G. après le son de Becky G et Bad Bunny, c'était Mayoless sur Radio Scénar qu'on vient de s'écouter. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h midi sur Radio Scénar. Et à 10h30, c'est l'heure d'écouter la chronique high-tech de Jolicia. Oh non, à moins qu'on se la fasse un petit peu plus tard. Ouais, on va se la faire un peu plus tard. Non, je rigole. C'est l'heure de Jolicia sur Zand. Elle a eu peur. Bon, Jolicia, c'est l'heure de ta chronique. Comment donner un fou rire à une chroniqueuse? En une vanne, pas drôle, mais voilà. Bon, c'est l'heure de la chronique high-tech avec Jolicia. Bonjour, Jolicia. Bonjour, Antoine. Bonjour, tout le monde. Cette semaine, je vous parlerai de l'actualité du moment. Elon Musk qui tente de venir au secours des 12 enfants et leurs accompagnateurs qui sont coincés dans une grotte en Thaïlande depuis quelques jours. Puis je vous parlerai des premiers tests de grandeur nature de la 5G en France. Et pour finir, on parlera d'un père et de son fils originaire du Morbihan, de la région bretonne, qui ont l'idée d'une application qui recense des informations sur les courants et les marées. Et oui, depuis quelques jours, une équipe de football composée de 12 enfants et leurs accompagnateurs sont coincés dans une grotte en Thaïlande. Bien que des centaines de secouristes essayent de les aider, les pluies abondantes et ne facilitent pas le travail. Et donc, les autorités n'ont pas réussi à évacuer les enfants, tous les enfants, et un sauveteur a trouvé la mort en essayant de leur venir en aide. C'est ainsi que le samedi dernier, Elon Musk, touché par le sort de ces derniers, a décidé de leur venir en aide en demandant à ses ingénieurs de construire un mini sous-marin pour le reste de l'équipe, qui serait fatigué pour trop fatigué pour nager jusqu'à la surface. Ainsi, le mini sous-marin convient à un enfant ce sera d'une largeur de 31 cm parce que la sortie fait 38 cm de largeur aussi. Donc il fallait un engin qui puisse passer. Et donc les enfants utiliseront le tube d'oxygène de la fusée pour pouvoir respirer. Le sous-marin est équipé de 4 prises d'oxygène, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Et il sera possible de voir le visage des enfants qui seront à l'intérieur de l'appareil. Et la flottaison sera assurée par des ceintures de plongée disposées autour de la coque. Les équipes donc ont eu l'occasion de tester la capsule pendant quelques heures. Et donc il leur faudrait un jour ou deux pour que la capsule puisse arriver jusqu'en Thaïlande. Et donc là on attend toujours des nouvelles. Et les autorités pour l'instant ont réussi à sauver 8 enfants encore hier. Et donc les autorités peut-être n'utiliseront pas l'invention de SpaceX, le sous-marin, mais le PDG Elon Musk a déclaré qu'elle pourrait quand même venir en aide aux gens dans le futur. Hier, voilà ce qui s'est passé. Depuis de nombreuses années, la France veut doter ses régions de la connexion 5G. Et c'est dans cette dynamique que les fabricants de composants s'activent pour que les premiers téléphones compatibles avec cette technologie voient le jour d'ici la fin de l'année 2019. Et depuis le 6 juillet, les opérateurs ont commencé à réaliser leurs premiers tests de grandeur nature. Bouygues, par exemple, vient de lancer 2 sites à Bordeaux et Mérignac afin de tester la 5G dans des conditions réelles. Et le groupe a annoncé la création de l'accélérateur Smart 5G qui va devenir l'écosystème 5G et a lancé en même temps le premier pilote à distance à Bordeaux. Et pour info, Bordeaux sera la première ville à être dotée de la 5G en 2020. Et qu'est-ce que fait la 5G? La 5G ouvre la voie à de nouveaux usages, c'est-à-dire comme le pilotage à distance de véhicules, la transmission simultanée de 10 flux vidéo 4K en live, ça va nous changer, et encore la télémédecine mobile en réalité augmentée. C'est ce qu'a montré la start-up bordelaise Nomadec. Et en même temps, la start-up Holoforge Interactive, quant à elle, c'est une autre société bordelaise, elle a présenté ce que cette nouvelle technologie apporterait, c'est-à-dire une solution de télémaintenance avec l'application 5G Remote Expert. Et plein d'autres choses seront possibles grâce à la 5G. Et on attend son arrivée dans nos maisons avec impatience. Ils ont eu la bonne idée, franchement, de lancer leur application juste pendant l'été. C'est Thomas Bonnier et Martin, son fils, qui sont passionnés de sport nautique. Ils ont fait développer et commercialiser leur première application Jusy, qui permet à l'usager de tout savoir sur les courants et marées, tout le littoral de l'Atlantique et de la Manche. L'outil est simple et accessible à tout le monde. Il permet de renseigner quant à la direction et à la force des vents, mais aussi des coefficients et des horaires de marée. Il vise particulièrement les navigateurs, les surfeurs, les pêcheurs, les sportifs pratiquant le kayak ou le stand-up paddle. voilà, une version gratuite et accessible en temps réel pour les iPhone. Mais par contre, pour les Android, il faudra attendre le printemps 2019. Mais il existe aussi une version payante, voilà, qui est payable pour le mois pour accéder à des prévisions plus larges. Et sur ces belles paroles, nous arrivons à la fin de notre chronique high-tech. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles avancées. D'ici là, portez-vous bien. Merci Julia. Bon, bah, la fête cette chronique finalement. On l'a faite finalement. Oui, on l'a faite. Bon, voilà, vous bougez pas. Prochaine chronique high-tech dans une semaine, mardi prochain, même heure, 10h30. Et dans un quart d'heure, sera encore, non, 10 minutes maintenant, sera la météo de Jolicia encore une fois. Le son de Tidias qui arrive avec Claro de Luna. Juste après, il y aura Tom Walker qui vient de la playlist Live a Lydon. Soyez les bienvenus sur Toi du Sénat, ça se passe chez vous jusqu'à midi. Claro de Luna, vente conmigo, niña, y entre mi caricia. A luna clara ya no me busques bonita. Señorita, vamos pa' allá, una noche muy caliente. Claro de Luna, vente conmigo, niña, y entre mi caricia. A luna clara ya no me busques bonita. Señorita, vamos pa' allá, una noche muy caliente. No busco el mejor de las relaciones, quiero simplemente aprovechar de la vida. Con pasión, sin tosión, con compasión y sin riña. Amor, yo quiero estar contigo para una noche de sexo. Dame un besito, mi amor. Baby, dámelo por favor. Fíjate a la cama. Dale, mami, no piense nada. Solo entre tú y yo. No, no, no, no, no, no, no. Claro de luna, vente conmigo, niña, y entre mi caricia. A luna clara ya no me busques bonita. Señorita, vamos pa' allá, una noche muy caliente. Conmigo, niña, y entre mi caricia. A luna clara ya no me busques bonita. Señorita, vamos pa' allá, una noche muy caliente. Es tu lado sexy que con lentía, que me le vuelta la cabeza. A cada vez te jale abrazarte. Acércate, ven y siénteme, que estoy caliente. Dale, ven, siéntelo. Tranquila, no pasa nada. Claro de luna, vente conmigo, niña, y entre mi caricia. A luna clara ya no me busques bonita. Señorita, vamos pa' allá, una noche muy caliente. Claro de luna, vente conmigo, niña, y entre mi caricia. A luna clara ya no me busques bonita. Señorita, vamos pa' allá, una noche muy caliente. Baila, baila, baila. Canta conmigo. Señorita, vamos pa' allá, una noche muy caliente. Claro de luna, vente conmigo, niña, y entre mi caricia. A luna clara ya no me busques bonita. Señorita, vamos pa' allá, una noche muy caliente. Second someone mentioned you are all alone. I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking. Now these cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. One.

juste après le son de Shawn Mendes In My Blood sur The Radio Seigneur, soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h midi sur The Radio Seigneur. 10h45 tout pile, c'est l'heure de retrouver Joëlicia et sa météo. Rebonjour Joëlicia. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chronique météo ce mardi 10 juillet. Aujourd'hui dans la commune de Val-d'Oreuil, ce matin on aura un beau temps nuageux, avec une température de 16 degrés, il risque de pleuvoir dans la matinée. Dans l'après-midi, la température va progressivement augmenter jusqu'à atteindre une valeur de 22 degrés. Il y aura une alternance entre éclaircies et nuages. Le soir, on aura moins de nuages dans le ciel et un ciel dégagé avec une température de 18 degrés. Et dans la nuit, le temps sera un peu couvert avec une température de 10 degrés. Par ailleurs, tout au long de la journée, on aura un temps variable, mais la probabilité d'avoir de la pluie reste faible. Et les rafales de vent atteindront les 45 km/h. Demain, le soleil se lèvera à 6h01 et se couchera à 21h59. Je vous retrouve demain pour de nouvelles prévisions. Merci Joëlicia, on te retrouve demain, même heure, pour une nouvelle météo. 10h45, coup pile, voilà. 10h46, on va s'écouter le son de Bob Sinclair avec I Believe. Dans un instant, il y aura plein d'autres sons. Adal, Lies qui arrive. Et puis à 11h, ce sera l'heure de la recette du jour avec Tati Karine. Toujours en plein cœur du Ça se passe chez vous jusqu'à midi sur The Radio Seigneur. Bienvenue. You're not alone, everybody needs to believe in something, to believe in one thing, I believe in you. Living your life like it's on the brink, drifting away on a broken ship, but I believe in something, I believe in one thing, I believe in you. All the things I could leave without, and leave now, 'cause you're all around.

Salut, c'est Karine avec vous pour vous présenter aujourd'hui une recette chocolatée, le soufflé au chocolat. À vos stylos. Ingrédients pour 4 personnes: 10 centilitres de lait frais entier, 80 g de chocolat noir haché. Prenez du chocolat pâtissier ou si possible du chocolat de couverture, 60 à 70% de cacao. 60 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, 3 blancs d'œufs, 1 cuillère à soupe de fécule de maïs, 1 cuillère à soupe de cacao en poudre. Préparation. Préchauffez le four à 190 degrés. Beurrez et farinez 4 ramequins de 6 à 8 cm. Fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre. Mélangez à froid le lait et la fécule, puis portez à peine à ébullition sans cesser de remuer. Dès qu'il se forme une sorte de crème plus dense qui nappe la cuillère, éteindre et incorporer d'abord les jaunes, puis le chocolat et le cacao. Mélangez soigneusement de manière à obtenir une crème homogène et lisse. Fouettez les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux, presque fermes. Incorporez un tiers des blancs à la préparation précédente en mélangeant délicatement avec une spatule par mouvement circulaire du bas vers le haut. Ajoutez ensuite le reste des blancs d'œufs, toujours en les incorporant délicatement par mouvement circulaire, de manière à garder l'air incorporé tout en obtenant une crème homogène et bien gonflée. Versez la crème dans les ramequins en laissant quelques millimètres au bord et en formant une surface lisse. Cuire 15 à 20 minutes, le temps que les soufflets gonflent bien et que la pâte cuise un peu en formant une très fine croûte. Le soufflé ne demandera qu'à être mangé chaud, avec une crème anglaise par exemple. Les podcasts sont disponibles sur le www.theradio.net. Je vous invite également à me retrouver sur le Facebook dit Qu'est-ce qu'on mange ? Bon appétit, chers audionautes, et à demain ! Merci Tati Karine, on se retrouve demain dès 11h pour une nouvelle recette du jour. Vous bougez pas puisque dans un quart d'heure on retrouve Michel de la Rédac. Et puis à 11h30, oui exactement, ce sera l'heure de retrouver Kendra et sa chronique Info Actu. Pour l'heure, on écoute Baldi avec son nouveau son Mine. Et dans un instant, ce sera Becky G avec son nouveau son Sin Pyjama. Bienvenue. So fucking precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're mine. Fucking happy you're alive. Yeah. Swear to God I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Oh, I just had to let you know you're fine. Running circles around my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bride, yeah. Que no se te apague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Fuego a mi sazón, son, son, son, son. Chócate eso con mi bom, bom, bom, bom, bom. Espero tu gol, vete, dame el gol. Si tú me llamas. Le son de Becky G et Nati quelques Sinpiyama sur Zora du Seigneur. Un moment pour vous rappeler de venir sur le Facebook Zora du Seigneur, David Guetta et Sia Flames, bienvenue. Don't stop running. Après le son de Charlie Puth et Kehlani, Turn For Me sur Zone de Seigneur, bienvenue. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h midi sur Zone de Seigneur. 11h et 14 minutes, c'est l'heure de retrouver Michel pour le programme télé. Bonjour Michel. Bonjour à tous, c'est mardi 10 juillet, aujourd'hui le foot bien sûr, la demi-finale ce soir sur TF1 et sur Beansport. Sur France 2, divertissement, Michel Sardou, dernier show, concert avec beaucoup d'invités, Charles Aznavour, Laurent Gérard, Florent Pagny, Garou, Nolwenn ou encore Amir. Sur M6, il est de retour, Philippe Etchebest, cauchemar en cuisine ce soir à Saint-Quentin en Picardie. Sur C8, le film Japlou dès 21h avec Guillaume Canet. Très beau film sur W9 ce soir, Le Grand Chemin avec Anémone et Richard Bourringer. Vous retrouverez une soirée spéciale Louis de Funès ce soir sur TFX avec tout d'abord le film Oscar et juste après Hibernatus. Sur l'équipe du kickboxing et sur Sister ce soir à partir de 21h, vous retrouverez deux épisodes de la série Marvel, Les Agents du Shield. Très bonne soirée télé à toutes et à tous pour ce mardi. Merci Michel, on te retrouve demain 11h15 pour une nouvelle, pour un nouveau programme télé tout simplement. Voilà, on va continuer en musique avec le son de Cécilia Krull, puis dans un instant, dans un quart d'heure, ce sera l'heure de retrouver Kendra et son actualité dans l'agglomération Seigneur. Et puis à 11h45, ce sera l'heure de parler foot. Voilà, soyez les bienvenus sur Soir du Seigneur. Voilà, le son de Cécilia Krull et Kevin Most qui arrive derrière moi avec My Life Is Going On. Bienvenue. myself. Cause now all I want is to be a part of my new world. Wherever helps in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even when you feel me. I don't care. Après le son de Cécile Lacroule avec Gavin Most, c'était le son qu'on adore tous, My Life is Going Out, bien sûr, qu'on retrouve sur la bande originale de la série phare de Netflix qui a beaucoup buzzé ces derniers mois. La Casa del Papel, tout simplement, on adore. On va continuer en musique avec Calvin Harris et Pharrell Williams et Katy Perry avec le son Fields qu'on adore ici sur The Radio Seigneur. Juste un point sur Facebook pour vous dire de venir, vraiment vous êtes très nombreux à réagir et puis ça nous fait plaisir, alors venez sur la page Facebook The Radio Seigneur Fields. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with them. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you along. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ride your cup and chase through. Comme les mousquetaires,

ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la tuer. Tout le monde, il veut seulement la fée. Tout le monde, il veut seulement la fée. Et si le monde, ça, ça les fait bouger. Tout le monde, il veut seulement la fée. Et puis, à quoi? Après le son de Angel avec La Tune sur Zard de Seigneur, bienvenue. Mais ça se lance pas. Ça se passe chez vous. Du lundi au vendredi, 10h midi sur Zard du Seigneur. Et c'est l'heure de retrouver l'horoscope. Quand tu fais pas encore l'horoscope, je crois. Non, je fais l'actu là. Bon, bah c'est l'heure de l'actu, voilà. La chronique actualité en ce 18 est avec Kendra. Bonjour Kendra. Salut Antoine et salut à tous. Aujourd'hui, très peu d'informations avant l'arrivée du 14 juillet. Donc on va parler cinéma et on va parler football. On commence avec le ciné-été 2018 qui débutera à Val-de-Reuil où la 17e édition du festival ciné-été entre en scène samedi 14 juillet organisé par l'association Sous le Soleil exactement en partenariat avec la ville de Val-de-Reuil. Ciné-été propose 33 projections de films en plein air à la tombée de la nuit, mais aussi des ateliers cinéma ouverts aux jeunes en journée pendant un mois. Depuis 17 ans maintenant, des centaines de Rolivalois se rassemblent chaque soir entre le 14 juillet et le 15 août dès la tombée de la nuit sur l'esplanade de la piscine pour découvrir l'un des 33 films proposés par le festival. Cet été, programmation. Les 33 films à affiche ont été minutieusement choisis. Ciné-été, c'est quoi? C'est un écran géant de 12 mètres sur 10 mètres, donc un écran très très grand, installé sur la pelouse de la piscine, sur lesquels seront projetés 33 films des pépites du 7e art, avec un projecteur numérique de dernière génération. Un village de toiles pour limiter les désagréments, c'est une installation avec des chaises et des toiles au-dessus pour éviter justement les intempéries. Une sonorisation professionnelle mais aussi un tapis rouge déployé à l'entrée de l'esplanade pour ceux qui veulent aller voir les films projetés. C'est un festival gratuit pour le public, la ville de Val-de-Reuil et l'association Sous le Soleil exactement. Les deux partenaires ont mis un point à proposer aux spectateurs une programmation de qualité, certes mais aussi gratuite pour mieux favoriser la convivialité. Café et thé seront offerts au public à leur arrivée. Et des ateliers initiation chaque jour pendant toute la durée du ciné-été seront donnés. Des ateliers d'initiation au métier du cinéma seront proposés aux jeunes dès 8 ans. Pilotés par des réalisateurs et cinéastes chevronnés, ces ateliers permettent aux participants de découvrir et d'apprivoiser toutes les phases de conception d'un film, de l'écriture de l'histoire à la réalisation du film en passant par la transformation du scénario. Et on va terminer avec le football puisqu'on a Louvier qui propose de regarder le match de la France ce soir, la demi-finale. Donc rendez-vous entre 16h et 22h à la chaloupe de Louvier. Vous pouvez vivre en direct le match sur grand écran. Le match de la France contre la Belgique, voilà. Le match sera suivi avec des animations et des buvettes. Vous pouvez aussi retrouver cette proposition à la MJA de Val-de-Reuil. Donc vous pouvez aussi retrouver le match des demi-finales à la MJA de Val-de-Reuil. Match à 20h ce soir, pas à 16h, on change un peu. Donc à 20h sur ce point de rendez-vous. C'est tout pour les infos d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Merci Kendra. Merci Kendra pour ces informations. Derrière, ça fait plaisir, hein. Comme d'habitude, 11h30. J'avais envie d'envoyer une cartouche et finalement elle est mal partie. Bon, bref, pas grave. On va continuer en musique avec le son de Sigala qui arrive, Give Me Love, feat John Newman et Neil Rogers. 11h32 minutes sur Zora du Seigneur. Ça se passe chez vous encore pour une demi-heure. Dans un quart d'heure, ce sera Kendra et Joelissa qui viendront nous dire quel match arrive bientôt. Bah, Michel, vous en a déjà parlé dans la prom sur télé, mais bon, c'est pas grave, hein, faut bien parler, faut animer quoi. Bref, juste après, il y aura Daddy Yankee et Dura, le son de l'été, que j'adore sur The Radio Seigneur. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à midi, 11h33. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. Limón y tequi, que sé como que se prende Becky. Después que me pongo triple X, sueltecita la cintura. Pa' bajarte te saca calentura. Y nadie me dejo. Yo soy vegetariana, pero me como al conejo. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres tienen poder. Cuidado, perreo sin filtro. Soy la dura, me llamo peligro. Para ese modelo, le sobra el picante. Si fuera triple, le llovieran los billetes. Antes que la nota se me tepe. Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes. Plan B, es plan B. Y aquí se la perrea y yo también. Dime por qué todavía no he subido el challenge. Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen. Porque tú estás dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura. Yo estoy dura, mano arriba, porque luzco muy bien. Estoy dura, papacito, te subo de nivel. Dura, mira cómo brilla mi piel. Dura, yo lo meneo muy bien, así que le son de Daddy Yankee avec Dura, un bon son de l'été hein, qu'on adore et qui va passer, je pense, très souvent cet été. Sigrid, Strangers, bienvenue. Pretenders, then head over heels. Come thinking that ain't real. It could never be us. It's just you and I. Après le son de Sigrid avec Strangers sur Zor du Seigneur. Ça se passe chez vous? Avec vous jusqu'à midi. Et c'est l'heure de parler foot avec Joëlicia et Kendra. Rebonjour tous les deux. Re-salut Antoine, et oui. Bah, on va parler du match qui va arriver ce soir à 20h. Il s'agit du match de la demi-finale de l'équipe de France contre la Belgique. Et oui, un match qui s'annonce très difficile. Puisqu'on a la meilleure attaque du championnat et l'un des favoris du championnat également de l'autre côté, puisque la France a pris la tête des favoris après sa victoire contre l'Uruguay, qui était la meilleure défense du championnat. Donc favori la France, mais attention à Lukaku, Eden Hazard et De Bruyne de l'autre côté qui vont pouvoir faire peur à la défense française. Mais à noter que Meunier sera absent du côté de la Belgique, donc une possibilité pour exploiter le côté gauche du côté de la France, en sachant que c'est Matuidi qui sera normalement sur le côté gauche. Tout reste à savoir si Matuidi sera en forme pour l'attaque française. Mais on espère bien sûr que la France pourra gagner ce soir et atteindre les demi-finales. D'ailleurs, j'avais vu un petit post Twitter pour toi qui rappelait qu'en 98, l'Israël avait gagné l'Eurovision. La France était dans le groupe C de la Coupe du Monde. Que la Croatie était en demi-finale. Et tout ça est réuni cette année. Donc on espère vraiment qu'en 2018, 20 ans après, la France va gagner ce titre de champion du monde. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, Joëlicia? Il y a le match la France contre la Belgique, et puis le mercredi ce sera la Croatie contre l'Angleterre. Mais on peut pas parler sur ça avant demain, quoi. On en parlera demain encore une fois. Donc ouais, c'est ça, demain à 11h45 on fera justement un débrief du match qui s'est passé ce soir. L'important dans ce match, c'est que plusieurs joueurs vont se confronter à leurs coéquipiers habituels dans les clubs, donc ça va être un peu ça, quoi. Et à 11h45, on verra si la Belgique s'est qualifiée ou si la France s'est qualifiée. Voilà. Une seule chose pour le savoir, il suffit de regarder le match qui sera diffusé ce soir sur TF1 et sur Beansport. Voilà, merci Kendra et Joëlicia pour cette chronique. D'autres choses à rajouter? Non, c'est tout. C'est tout. Non, c'est tout. Et très bien, on va se dire au revoir dans un quart d'heure. Mais juste avant, il y a plein de musique qui arrive. Il y a Rudimental These Days pour le quart d'heure. Plein de musique avec Chris Cable, tout nouveau, Laurent Perrier et Backer Matt. Bienvenue sur Zor des Seigneurs. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days These days reminiscing on those past days. I thought you didn't know where my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark. Ready Mental, 10 Days, c'est ce que je viens de vous caler sur The Radio Center dans le Ça se passe chez vous. 11h50, on reviendra demain, juste après la fin de cette émission, et vous nous retrouverez en podcast sur le scène-radio.net. Mais pour l'instant, place à la musique avec Chris Cab et son nouveau ton, Laurent Perrier qui arrive sur The Radio Center. Soyez les bienvenus, c'est Antoine, Joëlicia et Sandra. All around the world you can fly with me. And anything you want you can get for free. Yo solo quiero una mujer con una carita bien linda. Y yo lo que quiero saber si te va conmigo ahorita. Better stand in my way. I could care less about he or she say. Cause I do it all night and I do it all day. Dade County players and you know we don't play. But as long as you're here then I'm doing just fine. When you're away you're still on my mind. Something about your voice when you're saying my name. Crazy kind of love got me going Kanye. Yo solo quiero una mujer con una carita bien linda. Y yo lo que quiero saber si te va conmigo mamacita. Disparate. Me trajo una sativa, baby, pa' que te arrebate. Primam, bam, bé, la mano se te fue. Es que tú estás muy dura, bebé. Primam, bam, bé, Lauren Perrier. De esta fama champaña tenemos la movie en play. Trae las cocas y hielo, hielo. Pues que la está pasando bien, que me levante la mano para el cielo. Coronamos la vuelta y por eso yo celebro. Oh, après le tout nouveau Biker Matt Do Your Things sur The Radio Seine, c'est ce qu'on vient d'écouter. Vous bougez pas puisque dans un instant on dira au revoir. Mais pour l'instant c'est le son de Milena Remy sur The Radio Seine. So much love, on adore, bienvenue. Sometimes the world seems so dark and so bad. Sometimes the people seem so sad and so blind. Sometimes I'd like to fly away, fly away, fly away. But there's so much love we can't imagine. So much love in our le son de Milena Remy et So Much Love. Voilà, je fais un câble, hein. C'est la fin de l'émission, midi tout pile. Réglez vos horloges et puis c'est l'heure de se dire au revoir. Merci Gondor d'avoir été là aujourd'hui. Derrière, ça fait plaisir, un début de semaine tranquille. Ouais. En plus, comme c'est toi qui anime, moi ça me dérange plus du tout. Avant, t'avais du mal avec juste faire quoi anime, puis finalement tu te dis bon, ça va, y a pire. Ouais, ça va. Bon, merci Jolie, c'est d'avoir été là. Bah, de rien, merci à toi aussi. On te retrouve, bah on vous retrouve tous les deux d'ailleurs demain tous les deux dès 10h. Dès 10h. Toujours là, dès 10h. Avec demain la spéciale, ce sera une chronique cinéma de Jolicia pour nous présenter les sorties et puis les bacs, les offs de la technique du cinéma, voilà. Voilà. Donc voilà. Pour en apprendre un peu plus sur cet univers un peu. Voilà. Et bah voilà. Merci Jolicia, merci Kandra. De rien. On vous retrouve. On vous retrouve demain et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Midi et puis. Bientôt midi une, voilà, c'est on va rendre l'antenne, on va vous souhaiter un bon appétit. Et passer une bonne soirée à l'île voilà. Des Bleus. Et ben et, voilà. Oui voilà, surtout ne manquez pas le match des Bleus parce que c'est voilà, c'est un match important. Voilà. Ouais. Bon, bah, bon appétit et puis ciao. Ciao. Et puis allez, au revoir. Allez à France. Ciao. Et voilà. C'est Ça se passe chez vous revient demain dès 10h sur The Radio Seine-Eure. Retrouvez votre émission en replay sur seine-eure.theradio.net. Vous écoutez The Radio Seine-Eure, il est midi et une minute. Retrouve ta radio préférée sur www.seine-eure.theradio.net. Avec un max de tubes. Un max de tubes. The Radio Seine-Eure, c'est ta radio locale dans toute la gloire. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing coming at your mouth. Cause I stay winning, lay him up like swish, swish, bish. Your game is tired, you should retire. You're about as cute as an old coupon expired. And karma's not a liar, she keeps receipts. So keep calm, honey, I'ma stick around for more than a minute. Get used to it, funny my name keeps coming at your mouth. Stay winning, lay him up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Let's go. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Young Money. But they don't know what is what. They just what is what. But they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Pink Ferragamo sliders on deck. Silly rap beef, just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Swish, swish, ah, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish, swish, ah, my haters is upset. Cause I make them, they get much less. Don't be trying to double back, I already despise you. All that fake love you've shown couldn't even disguise you. Yo, yo. Went, went, Nicki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. The generous queen that kiss a fan. Ask goodbye, I'ma be riding by. I'ma tell my big Z, that's the guy. A star's a star, the heart, the heart. They never thought the switch guard would take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock with Queen, so I'm making hits with Katie. Swish, swish, bish. Another one in the basket. I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone else. Trying to play it coy, trying to make it disappear. But just like the Battle of Troy, there's nothing subtle here. In my room there's a king-size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place. Call me an amenity. Even if it's in my dreams. Ooh, you're taking up a fraction of my mind. Every time I watch you slipping tight. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think about you. No, no, no, no, not to think about you. Oh, no, no, no, no, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to give in to you. No, no, no, no, not to give in to you. Oh, with my feelings on fire, guess I'm a bad liar. I see how your tension builds, it's like looking in a mirror. You're touched like a happy pill, but still all we do is fear. What could possibly happen next? Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest. If you're the art, I'll be the brush. Ooh, you're taking up a fraction of my mind.